Les Petits Vagabonds, livre audio gratuit, un roman de Jeanne Marcel. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commons.